الحمد لله رب العالمين ولا عاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين وأصلي وأسلم على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. عن سعد بن أبي وقاص رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم دعوة ذي النون إذ دعاه وهو في بطن الحوت لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين فإنه لم يدعو بها رجل مسلم كما قال صلى الله عليه وعلى آله وسلم فإنه لم يدعو بها رجل مسلم في شيء قط إلا استجاب الله له إلا استجاب الله له. وهذا الحديث رواه الحاكم وصححه المتخصصون في هذا الباب. قال العلماء دعوة ذي النون إذ دعا وهو في بطن الحوت لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين فإنه لم يدعو بها رجل مسلم في شيء قط إلا استجاب الله له إلا استجاب الله له. أمرنا الله سبحانه وتعالى بالاهتداء بهدي النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وهدي من قبله من الأنبياء وحكى لنا في القرآن قصصهم تعليما لنا واتباعا لنهجهم. وفي هذا الحديث يحكي الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم بعضا من قصة يونس عليه السلام ويبين دعوة التي كانت سبب نجاته. فيقول دعوة ذي النون أي صاحب الحوت وهو نبي الله يونس عليه السلام إذ دعا وهو في بطن الحوت لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين فإنه لم يدعو بها فإنه لم يدعو بها عند الشدائد وعند الأزمات وعند المشكلات وعند البلايا فإنه لم يدعو بها رجل مسلم في شيء قط إلا استجاب الله له إلا استجاب الله له. أي تلك الدعوة تنجي المؤمنين بفضل الله سبحانه وتعالى ويستجيب الله سبحانه وتعالى بها لهم كما نجت يونس عليه السلام لما ابتلعه الحوت وقيل يفتتح بها الدعاء ثم يدعى بما تشاء. أقول ما تسمعون وأستغفر الله لي ولكم وللمؤمنين والمؤمنات فاستغفروا إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد, chers croyants, chers croyantes, aujourd'hui on va apprendre une invocation qui est immense, une invocation qu'on a besoin, et en ce jour férié où les gens ont un peu de temps, alors apprenez cette invocation qui est peut-être courte et légère à prononcer, facile à proférer, à proclamer, mais le sens est immense. Et c'est la cause pour laquelle Allah subhanahu wa ta'ala a sauvé le prophète Yunus alayhi salam. Pour cela, elle est nommée da'watu dhinnun, la proclamation, l'invocation, la demande du prophète Yunus alayhi salam. Vous connaissez l'histoire, lorsque le prophète Yunus a été avalé par la baleine du fait qu'il était en colère de la négation de son peuple et comment son peuple le démentissait et ne croyaient pas et n'accordaient pas foi à son message, alors il a désespéré de leur croyance, de leur véracité, alors فَذَهَبَ مُرَادِبًا. Alors Allah subhanahu wa ta'ala a décrété, a prédestiné qu'il soit avalé par le poisson ou la baleine. Donc كَانَ فِي بَطْنِ الْحُوتِ, il était dans le ventre de la baleine. Et cette histoire est citée, mentionnée dans les nobles versets du saint livre du Coran, comme vous pouvez vous y référer. Mais aussi le prophète sallallahu alayhi wa sallam, dans un récit, nous mentionne cette histoire et cette invocation du prophète Younous, comme c'est rapporté dans le hadith qu'on vient de citer et de lire. Le hadith du compagnon Sa'd ibn Abi Waqqas, où le prophète sallallahu alayhi wa sallam, dans ce récit, nous dit la da'wa de Dhinnun, c'est-à-dire de Younous alayhi salam, idh da'ahu wa huwa fi batn al-hut, lorsqu'il a invoqué son Seigneur alors qu'il était dans le ventre de la baleine du poisson. Qala, qu'est-ce qu'il dit? Et là, c'est un exemple immense. Imaginez-vous, le prophète, fil zulumat, il était enfermé, emprisonné, englouti dans les ténèbres. Les ténèbres de la nuit, de la mer, du ventre, du poisson, comme stipule les ulama. Différents ténèbres. Fil zulumat, pour cela, il est cité le terme zulumat. Imaginez-vous, vous, dans les obscurités, dans les ténèbres. Imaginez-vous cette situation, ce problème, c'est un réel problème. Alors nous, le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, ce hadith n'est pas un hadith où le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, nous mentionne juste une histoire à entendre, belle à écouter, mais plutôt que le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, nous enseigne une histoire à méditer, à réfléchir et à garder pour soi-même pour la pratiquer dans sa vie. Si vous êtes dans une situation difficile, vous êtes dans une période difficile où les problèmes s'accumulent, les soucis s'accumulent. On vit une société, on vit des temps où parfois la vie est dure. Malgré qu'on remercie Allah subhanahu wa ta'ala bien sûr pour tous les bienfaits, mais beaucoup de gens, bien sûr malgré qu'ils remercient Allah azza wa jalla pour tous les bienfaits qu'il nous a octroyés, et ça nous remonte nos morales, notre morale, dès le matin, de réfléchir sur tous les bienfaits qu'Allah Jalla wa Ala nous a octroyés, mais il y a les problèmes de la vie, il y a des épreuves qu'Allah nous donne qui sont purificatrices, comme ça, le jour de la rétribution, on le rencontrera purifié de nos fautes, et de nos déficiences, et de nos manquements, mais il y a aussi des épreuves qui sont des épreuves qui nous élèvent auprès de lui. Si la personne fait du bien, et il voit qu'il est éprouvé, c'est des épreuves dont, par laquelle Allah Azza wa Jalla t'élèvera auprès de lui, et tu atteindras des hauts degrés. Là, le prophète sallam nous enseigne quelque chose d'immense. Retenez bien ça et enseignez-le à vos proches, à vos enfants, à vos familles, à vos épouses. Si vous vivez un moment difficile, si vous vivez une période où vous êtes éprouvé, comme l'était le prophète Younous alayhi salam, dans la pénombre, les ténèbres, l'obscurité, qu'est-ce qu'il fit? Il invoque Allah subhanahu wa ta'ala. Da'watun. C'est une invocation simple à apprendre. Écoutez-la bien. Dites juste La ilaha illa ant subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Vous dites ça. Apprenez-le bien. Parfois, nous, on veut faire beaucoup de choses. On pense que pour qu'Allah nous exauce d'une invocation et qu'elle soit bénéfique, il faut qu'on lise une page. Différentes lignes. Mais on n'a pas compris. L'important, c'est pas la longueur. Mais l'important, c'est la présence du cœur, la certitude, el-yaqin, la sincérité. Être certain qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous entend et qu'Allah est celui qui est capable de nous faciliter, de nous alléger. On est affligé, on est touché par des soucis, par de l'angoisse, par des difficultés de la vie, dites cela. La ilaha illa ant. Subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Et vous allez voir, si vous êtes certain que votre Seigneur est avec vous, vous avez la certitude, Allah subhanahu wa ta'ala vous trouvera une issue. D'ailleurs, le prophète Younous, par le biais de cette invocation, alors Allah subhanahu wa ta'ala l'a sauvé. Et c'est un exemple pour tous les croyants jusqu'à la fin des temps. Celui qui invoque Allah subhanahu wa ta'ala par ses invocations, alors Allah subhanahu wa ta'ala lui trouvera une issue favorable, dont ni l'imagination ne peut s'imaginer à quel moment viendra l'issue favorable. Cela, c'est Allah subhanahu wa ta'ala qui le sait. La ilaha illa ant, subhanaka inni kuntu min al-zalimin. Vous dites cela, tout simplement. Pourquoi cette invocation? Lorsqu'on l'entend pour terminer, les savants, les grands théologiens musulmans, nous enseignent un enseignement très important et bénéfique. Pourquoi cette invocation en réalité, même si elle est facile à prononcer, elle est courte et légère? Pourquoi en réalité elle est si immense? Une personne, s'il l'a dit, Allah subhanahu wa ta'ala le sauvera et lui trouvera une facilité. Il va le soulager de ses afflictions, des calamités qui peuvent le toucher, des douleurs, des épreuves. Pourquoi? Parce qu'en réalité, cette invocation courte, elle renferme des choses immenses. Premièrement, elle renferme l'affirmation et la proclamation du tawhid, de l'unicité d'Allah. La ilaha illa ant. La ilaha illa ant. Le tawhid. L'unicité d'Allah, subhanahu wa ta'ala. La ilaha illa ant, subhanak. Les ulama disent subhanak, c'est le fait de glorifier Allah. Qu'est-ce qu'on fait lorsqu'on dit subhanallah? On fait du tanzih. C'est quoi le tanzih? C'est le fait de proclamer, de scander la perfection d'Allah subhanahu wa ta'ala et de nier toute imperfection et déficience pour le Créateur subhanahu wa ta'ala. Lahul kamal, il détient la perfection. Lorsqu'on dit subhanak, on est en train de scander, de proclamer la perfection d'Allah subhanahu wa ta'ala. Deuxième chose. Troisièmement, dans cette parole, cette invocation, il y a ce qu'on appelle tamam al-ubudiyya. Tamam al-ubudiyya. Il y a la servitude qu'on doit à notre Créateur, le fait qu'on est soumis à lui. Lorsqu'on dit la ilaha illa ant, subhanak inni kuntu min al-zalimin, il y a la perfection tamam al-ubudiyya. Ça veut dire que le serviteur là, il s'en remet complètement à son Créateur. Les sens sont immenses. Il faut méditer, c'est pas juste une parole. On dit la ilaha illa, mais les sens sont immenses. Ça prouve que le croyant a une croyance immense. Il est en train de scander, de proclamer l'unicité du Créateur. La ilaha illa ant, subhanak. Gloire à toi, ô Seigneur. Tu es exempt de toute forme d'imperfection, de toute diminution. Tu es laka sifat al-kamal. À toi appartiennent les attributs de perfection et les noms sublimes. Et dernièrement, il y a quelque chose d'immense dans cette invocation. Inni kuntu min al-zalimin. Inni kuntu min al-zalimin. Lorsqu'on dit, Seigneur, je faisais partie des injustes. Je faisais partie des injustes. On est en train de reconnaître notre déficience. On est en train de reconnaître notre faute et nos fautes et nos manquements. Et Allah subhanahu wa ta'ala aime lorsque son serviteur reconnaît ses manquements et ensuite lui demande pardon. Donc dans n'importe quelle situation, si vous êtes affligé, vous dites « La ilaha illa ant, subhanaka, inni kuntu min al-zalimin. » La ilaha ant, en français, nul adoré digne d'adoration, ou véritable, si ce n'est Allah, subhanak, gloire à toi, je faisais certes partie des injustes. Le prophète nous apprend à suivre les prophètes et les messagers qui étaient avant nous, dans les générations précédentes. Regardez, le prophète Younous a dit cela. Allah dit: "Falawla annahu kana min al-musabbihin la labitha fi batnihi ila yawmi yub'athun." Allah dit, et regardez pour terminer, la preuve que c'est la glorification d'Allah et l'invocation d'Allah qui l'a sauvé. Qu'Allah l'a sauvé, que c'était la cause. Allah nous dit dans le Coran: "Falawla annahu kana min al-musabbihin", si ce n'était qu'il avait glorifié Allah. Il avait dit « Subhanak, la ilaha illa ans ». Il a proclamé l'unicité du Créateur, c'est la plus grande adoration, c'est le droit d'Allah. Et sachez que si vous proclamez l'unicité d'Allah, vous accomplissez le droit d'Allah, c'est son droit. Notre droit, nous, en échange envers Allah, c'est qu'il ne nous châtie pas. « Ma yaf'alullahu bi'adhabikum, in shakartum wa amantum ». Dans un verset immense, Allah dit « Pourquoi Allah vous châtirait ?» Pourquoi Allah va vous châtier si vous avez remercié et cru en lui? En d'autres termes, littéralement le verset dit, qu'est-ce qu'Allah fera de votre châtiment Si vous le remerciez, vous croyez en lui. Le verset est immense. Allah nous dit, si on a, on l'a remercié, on le remercie constamment. Et si on croit en lui, pourquoi voulez-vous qu'Allah vous châtie? Si vous lui donnez son droit, vous proclamez Tawhidullah, l'unicité d'Allah. Vous le glorifiez, dans le sens que vous proclamez sa perfection. Vous avez tamam al-ubudiyya, vous êtes soumis à lui. Et ensuite, vous reconnaissez vos manquements, vous reconnaissez vos fautes. Et bien Allah va vous sauver. Le temps est court pour vraiment détailler les spécificités de cette invocation, mais n'oubliez pas, souvent nous, on oublie. Bien sûr, il faut faire les causes, il faut faire les choses. Une personne qui est malade, il va se soigner, il va faire les causes, mais aussi il faut invoquer son Créateur. Allah détient tout, dans toutes les situations. فنسأل الله سبحانه وتعالى التوفيق والسداد يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا اللهم اغفر لنا ولوالدينا اللهم اغفر لنا ولوالدينا اللهم اغفر لنا ولوالدينا اللهم اغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا اللهم اشف مرضانا اللهم اشف مرضانا اللهم اشف مرضانا اللهم اشف مرضانا. On a toujours une pensée pour nos frères qui sont malades et nos sœurs qui sont malades, on les oublie pas. Même si on ne cite pas les noms d'une manière spécifique, mais on pense à eux tous et dans nos invocations, on les oublie pas. اللهم اشف مرضانا وارحم موتانا وارحم موتانا وارحم موتانا اللهم ارحم موتانا ربنا اللهم صل وسلم على اشرف الانبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اللهم ربنا اتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك وقوموا الى صلاتكم